Yo, it's more fucking world beat, man, yo. Lyrics now. Ok. Non déclarez pas mon genre, ils savent tout. J'suis toujours loin que la fumée coule. A chaque shot, j'fais pondre à ma musique. Non, non, non, non, non, non. Non déclarez pas mon genre, ils savent tout. J'suis toujours loin que la fumée coule. A chaque shot, j'fais pondre à ma musique.